Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous ouvrons l'émission sur une nouvelle déjà vieille d'une semaine, la découverte des 7 planètes autour de l'étoile TRAPPIST-1. Et avec une telle nouvelle, il y a de quoi s'enflammer. Ça y est, on a trouvé des planètes semblables à la Terre, des planètes habitables. Pas si vite. Il faut savoir décoder ce genre de nouvelles et le détecteur de rumeurs s'est prêté à l'exercice. Pour en parler, nous avons au bout du fil Pascal Lapointe, qui est rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Bonjour Pascal. Bonjour Léry. Alors Pascal, en janvier, nous avions déjà fait une entrevue avec Eve Baudin, qui est journaliste et qui occupe le poste du détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse. Mais pourriez-vous nous rappeler l'objet de ce détecteur de rumeurs, son objectif et pourquoi il y en a besoin? Alors, c'est ce que les Anglais appelleraient une rubrique de fact-checking. On en parle beaucoup dans les médias américains par les temps qui courent avec ce qui se passe avec un certain président. Mm-hmm. L'idée étant de décoder, de décrypter si ce qu'il dit est vrai ou faux, d'aller chercher des sources. On s'est dit, nous, qu'il y avait matière à faire le même exercice, mais dans les nouvelles en sciences. Donc, autrement dit, de créer une rubrique dévolue exclusivement à la vérification des faits en sciences. Et entre autres, donc, on prend des nouvelles qui passent dans l'actualité et on essaie de voir si c'est vrai ou faux ou entre les deux, ou bien on donne simplement des clés au lecteur pour décoder le jour où arrivera une autre nouvelle similaire dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de sujets, de rumeurs qui ont été décortiquées récemment? Ben, par exemple, on a parlé des suppléments de protéines. Est-ce que c'est vrai qu'on a tous besoin d'ajouter des protéines à notre alimentation? Surprise, non, c'est pas vrai. On s'est pensé aussi sur une question qui semble-t-il revenait souvent. Est-ce qu'il y a plus de smog en hiver qu'avant? Mm-hmm. Et bonne nouvelle, c'est pas vrai. Ben, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a plus en été. Il y en a peut-être plus en été. Et on s'est même penché sur les poignées de main. Vous rappelez peut-être une histoire un peu fantaisiste. Quand Trudeau et Trump se sont rencontrés, il y a eu beaucoup d'articles sur une soi-disant poignée de main secrète de Donald Trump. Bon, on peut pas dire si c'est vrai qu'il y a une poignée de main secrète, mais au moins, on est allé chercher 3 mythes qui circulent depuis très longtemps sur les poignées de main, leur signification et leur non-signification dans ce sens-là. Comme vous voyez, c'est juste pour dire qu'on touche à beaucoup de choses et on manque pas de matériel. On s'était donné pour objectif de faire 2 à 3 articles par semaine. Et si les fonds suivent, on pourrait faire ça pendant un siècle et je pense qu'on n'aurait pas épuisé la matière. Oui. Alors, on va voir maintenant dans le cas des planètes autour de TRAPPIST, parce que finalement, ça, c'est pas une rumeur. Il y a un article scientifique, il y a des planètes qui tournent autour de TRAPPIST-1. Donc, pourquoi mettre le détecteur de rumeurs en marche? Est-ce qu'il y a eu un emballement médiatique? Il y a eu un emballement médiatique qui était injustifié parce que c'était quelque chose qui se dégageait de l'eau. Mm-hmm. Mais comme vous le disiez tantôt, c'est dans votre introduction, c'est pas parce qu'on dit qu'une planète est habitable qu'elle est vraiment habitable. En fait, il y a une série de pièges, on en a identifié 3, qui reviennent à peu près chaque fois qu'il est question de nouvelles planètes extrasolaires, et c'est pour ça que c'est un beau cas où le lecteur ou l'auditeur qui regarde ça pourrait se dire « Ah, OK, la prochaine fois que je verrai arriver une nouvelle dans un journal sur une nouvelle planète extrasolaire, je serai un peu plus vigilant. Mm-hmm. » Par exemple, on a beaucoup entendu l'expression « zone habitable ». Ben, oui. « Zone habitable », c'est une expression d'astronome qui veut pas dire que la planète est habitable. À titre d'exemple, chez nous, si l'on peut dire, autour du Soleil, Vénus et Mars sont elles aussi dans la zone habitable. Mm-hmm. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu qui font que Vénus est beaucoup trop chaude. Et Mars, ben, pour des raisons qu'on n'a pas tout à fait élucidées, il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Mars. Elle est un peu trop froide. Ouais, puis l'atmosphère a l'air un peu ténue quand même aussi. Un petit peu, en effet. Alors ça, c'est le premier des pièges. Le fait que ces planètes-là, au moins 3 des 7 planètes identifiées, soient dans la zone habitable autour de leur étoile, ben ça ne veut pas dire qu'elles sont habitables. En réalité, pour l'instant, on n'en sait rien. Et c'est peut-être le deuxième piège dont il faut toujours se rappeler, c'est qu'on sait effectivement pas grand-chose de ces planètes-là. Mm-hmm. La NASA nous a fourni des belles représentations d'artistes où on voit des vertes, des jaunes et 2 planètes qui sont bleues et blanches comme la nôtre. Mais ça, c'est des représentations d'artistes. En réalité, aucune de ces planètes-là n'a été photographiée. Et ça, c'est un élément important parce que sur les 3000 et quelques planètes extrasolaires détectées depuis une vingtaine d'années, il y en a moins de 10 pour lesquels on a une photographie. Et encore, photographie, il faut le dire vite, c'est un minuscule point blanc. Mmh. Alors, quand on dit qu'on a détecté, ça veut dire quoi? Ben, on a déduit, en observant l'étoile, qu'il y avait une minuscule diminution de la luminosité de l'étoile quand la planète passait entre l'étoile et nous. C'est comme une éclipse, finalement. La planète est éclipsée par son soleil, donc on voit la luminosité, comme vous le disiez, est diminuée. Tout à fait. Puis de façon infime, alors si on observe l'étoile assez longtemps et on s'aperçoit que cette éclipse-là revient toujours au même intervalle, ben, on en déduit, OK, il y a une planète qui passe là à intervalles réguliers. Et donc, à partir de là, on peut déduire à quelle distance la planète est de son étoile et quelle masse la planète a et quelle taille, mais c'est tout. On ne peut pas dire s'il y a de l'eau, s'il y a de l'oxygène, s'il y a une atmosphère. On ne peut pas du tout aller plus loin que ça. Oui, alors là, s'il n'y a pas d'eau, même si elle est dans la zone habitable, mais qu'il n'y a pas d'eau, ça enlève déjà des chances qu'elle soit réellement habitable. Tout à fait. Et les instruments ne permettent pas de savoir ça à l'heure actuelle. Il y a le télescope spatial James Webb qui va être lancé l'année prochaine, qui, en théorie, pourrait permettre d'observer l'atmosphère des planètes si elles en ont. Et là, si on peut commencer à avoir quelques données aussi infimes soient-elles sur l'atmosphère d'une planète, ben peut-être qu'on peut détecter dans l'atmosphère la vapeur d'eau, par exemple. Mm-hmm. Et là, au moins, on aurait quelque chose de concret. Mm-hmm. Et pour l'instant, le mieux qu'on peut dire, c'est la taille qu'a la planète et à quelle distance elle est de son étoile. Donc, mm-hmm. on peut déduire que, étant à la bonne distance, il pourrait y avoir de l'eau liquide, mais en réalité, on n'en sait rien. Et c'est peut-être l'erreur qu'on fait sur la média, de sauter de suite aux conclusions, de dire « Ah, ce sont des planètes habitables, mm-hmm. il y a de l'eau là-bas. » Oui, mais ce sont cependant des planètes de nature tellurique, là, des planètes solides, pas des planètes gazeuses. Tout à fait. Ça, c'est un élément important. Puis ça, c'est une chose que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'il y a en gros, puis là, on m'excusera de simplifier grossièrement, mais il y a deux types de planètes. Les planètes gazeuses, les grosses boules de gaz comme Jupiter et Saturne, et les planètes telluriques, mm-hmm. comme vous dites, les blocs de roche comme la Terre, mm-hmm. comme Vénus et comme Mars. Alors, mm-hmm. pour la force des choses, on sait que ces planètes-là, vu leur taille, sont des planètes telluriques, des planètes rocheuses, mais c'est tout. Ouais. Alors, ce serait un peu abusif de dire, par exemple, que Mars est une planète semblable à la Terre parce qu'elle est une planète rocheuse aussi. Mm-hmm. Ouais, alors, on en est là un peu dans les connaissances de ces planètes-là. Ouais. Et il y a un troisième piège qu'il fallait éviter aussi, justement, sur le fait que ces planètes sont semblables à la Terre. Et là, faut quand même se poser des questions sur le titre utilisé par Nature, parce que Nature parle dans son titre de « Earth-like planet », donc de planètes semblables à la Terre. Donc déjà, ça induit un petit peu en erreur. Ben c'est ça. On a tendance à casser du sucre sur le dos des journalistes, mais il faut jamais oublier que des fois, le scientifique, lui aussi, va mettre un peu d'emphase dans son titre ou dans son abstract pour attirer l'attention. Et si, en arrière-plan, le relationniste en ajoute aussi, là, c'est le cas de la NASA qui est quand même très fort sur les relations publiques, ben ça donne les résultats que ça donne. Et encore une fois, je ne veux pas tomber dans l'autre extrême, c'est effectivement une grosse découverte en astronomie, mais il ne faut pas en conclure, comme on a pu avoir cette impression-là à lire les manchettes, que ça y est, on a découvert d'autres terres. Mm-hmm. Alors oui, effectivement, les scientifiques jouent un petit peu dans ce jeu-là, puis traverse des fois un peu la ligne. Mmh, d'accord. Donc, finalement, on va attendre les prochaines observations? Prochaines observations, c'est en ce qu'on va beaucoup attendre sur le télescope spatial James Webb. Ça, c'est probablement ce dont rêvent les astronomes. De toute évidence, cette étoile-là, Trappist 1, va faire partie de ses objectifs quand il va être lancé dans un an. Mais en attendant, on peut douter aussi que n'importe quel temps de télescope que les astronomes vont pouvoir grappiller pour pouvoir le diriger vers Trappist 1, ils vont s'y essayer. Ne serait-ce que pour affiner leurs données sur la taille des planètes. Mmh. Et peut-être, qui sait, qu'on va apprendre à un moment donné qu'il y en a eu une huitième qu'on n'avait pas encore détectée. Mmh. Alors maintenant, donc, je parlais, bon, ça c'est le travail du détecteur de rumeurs. Si on veut lire plus en détail ce que vous venez de nous dire, on va sur le site de l'agence Science Presse et puis on va lire toutes ces explications-là. Tout à fait. Sur le site de l'agence, il y a d'ailleurs un lien tout au haut de la page détecteur de rumeurs. Donc, on a essayé de mettre en valeur et tous ces textes-là, comme ceux que je mentionnais tout à l'heure, sont à cet endroit-là. On est aussi assez visible sur Facebook. Alors, les gens qui n'ont pas la patience d'aller sur un site ou les gens qui passent plus de temps qu'ils ne devraient sur Facebook, ben je peux vous dire, ben faites un détour de temps en temps par le Facebook de l'agence Science Presse et forcément, tous les nouveaux détecteurs de rumeurs sont affichés là. Voilà. Ben merci beaucoup, Pascal, donc pour ces éclaircissements et ces clés pour mieux comprendre peut-être les futures découvertes sur les planètes. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et je rappelle donc, Pascal Lapointe, vous êtes rédacteur en chef à l'agence Science Presse. Merci Valérie. Merci. Au revoir. Donc on va faire une pause musicale sur CKRL et au retour, bien on va encore vous parler de planètes et on va vous parler également de cette découverte de microfossiles très vieilles sur au Nunavik.